cet abri. Sa ligne de vie s'arrête ici comme un animal. On glisse sur les rails. Oh, du fer mais pas des cailles. C'est un voyage clandestin, du serpent aux uritains. Il dort dans le dernier wagon et ne change jamais de station comme un animal. On glisse sur les rails, oh, du fer mais pas les cailles. Dans les couloirs, un maître sans départ. Dans les couloirs, un...